The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. MP3. MP3. To download. Télécharger. Download. Téléchargement. Illegal. Illégal. Link. Rapport. Hacking. Piratage informatique. To give back. Rendre. To find. Retrouverez. Mine. Le mien. Now, a bit faster. Illegal. Illégal. Download. Téléchargement. MP3. MP3. To download. Télécharger. Link. Rapport. To give back. Rendre. Mine. Le mien. Hacking. Piratage informatique. To find. Retrouverez. Now, use the words in context. Téléchargement. Le téléchargement illégal est passible d'une amende. Téléchargement. Je connais un très bon site de téléchargement légal. Téléchargement. Le téléchargement gratuit me permet de regarder beaucoup de films sur mon ordinateur. Rapport. Quel est le rapport entre les deux histoires? Rapport. Il y a un rapport important entre la température extérieure et la vente de glace. Rapport. Voici la courbe qui illustre le rapport entre l'offre et la demande. Piratage informatique. Le piratage informatique est de plus en plus fréquent. Piratage informatique. Le piratage informatique est un gros problème pour les sociétés innovantes. Piratage informatique. Il a été condamné pour piratage informatique. Retrouverez. J'ai retrouvé le portefeuille que j'avais perdu le mois dernier. Retrouverez. Tu as retrouvé ta carte d'identité? Retrouverez. Je l'ai retrouvé grâce au site internet Facebook. Rendrez. Tu peux me rendre les 100 euros que je t'ai prêtés la semaine dernière? Rendrez. Tiens, je te rends ta bague. Je ne veux plus t'épouser. Rendrez. Tu lui as rendu les films que tu lui as empruntés ?